légende, c'est pour ma Yérubis. J'appelle mes soldats, Hiro le coq, J-Max, Prince Parolien, le lyriciste Pantou, Nana, que Black, bah. À ce qui paraît, on est équipé, que Black et Nana, de Kinabrasa, j'ambiance la foule et la concu vient zinzin, Inu Dongola, parce qu'on contrôle le dos. Inu Dongola, dans le game comme à la maison. Perle la.